Bonsoir. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. Nous sommes le 20 janvier 2012 et nous avons une annonce pour vous, une annonce intéressante, puisque le dimanche 22 janvier, dimanche, à partir de 16h, eh bien, il y a des trucs à faire ou à voir en tout cas, et auxquels on peut assister au Pavillon Sauvage, au 45, avenue rue Jean Dagneau à Toulouse. Avec à 16h donc Trash Vortex, qui est un duo noise, électroacoustique, impro et free jazz, qui est constitué de Laurent Rodriguez et de Mathieu Garouste. Un repas concert ensuite, Trash Vortex, c'est un vidéo concert performance sonore, et ensuite un repas concert à 18h avec des interventions d'ambiance drone expérimental noise, et pour finir à 21h Démon Libre, un duo expérimental batterie guitare. Voilà, ça c'est dit. Donc dimanche au Pavillon Sauvage, à partir de 16h jusqu'à 22h, on va dire. Et puis, la semaine prochaine, à partir du 24 janvier, et tous les jours à partir de 15h, donc toujours au même lieu, le Pavillon Sauvage, sur le thème de l'arythmique, la tonale, bienvenue aux installations sonores, petit son, bienvenue car... on aime bien travailler petit. En ce moment, on va voir si le labo, enfin c'est pas moi, c'est les potes du labo, tout le monde, quoi. Ils veulent voir si on va essayer de faire un truc peut-être moins massif, peut-être. Mais en tout cas, tout le monde est bienvenu, les musiciens néophytes et les écrivains aussi, pour un labo, voilà, c'est ça, je l'ai dit en fait. Du 24 au 29 janvier, à partir de 15h tous les jours, au 45 rue Jean Dagneau, donc les Pavillons Sauvages. Du 24 au 29 janvier, à partir de 15h, au Pavillon Sauvage, un labo expérimental, ambiante, drone, noise, électroacoustique, petit son, arythmique, atonal, musicien néophyte, écrivain bienvenu, perf sonore, petit son. Faites bienvenue, vous êtes sur Nuisance, sur Canal Sud, dans l'émission Nuisance. Putain. Émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Donc voilà, cette annonce en était une. Une nuisance pour vous, offerte, cadeau. On vous a entendu dimanche et la semaine prochaine au Pavillon Sauvage. suite, pour ce qui est de l'émission de ce soir, on voudrait vous enculer tous. Mais on ne peut pas le faire tout à la fois. Désolé, on va faire de notre mieux pourtant pour vous satisfaire, hein, toutes et tous. Et on va vous enculer à sec avec du gravier. Tout ça pour dire bonjour, nous sommes l'année 2012, bientôt la fin du monde. Et oui, je sais, ça donne envie. Il faut être patient dans la vie, il faut savoir apprendre la patience dans la vie. La possibilité de se suicider avant la fin 2012, comme ça on rate tout, quoi. Mais pourquoi rater la fin du monde? Abat-toi, poil, connerie de merde humaine, fais chier. Ouais. Abat la connerie humaine, merde à poil, fais chier, les enculés de merde. Qui crèvent. Tous et toutes. Ouais. Changez-vous en sperme pour moi, ouais. Ouais, ce soir et pour toujours, vous êtes du foutre pour moi. Du foutre spermicide. Réaction. Fratricide, ouais. Ce don qu'on donne, c'est du meurtre. Bordel, le don de la vie, c'est du meurtre. C'est prémédité, c'est calculé, tout est prévu dans leur tête. Ils veulent que tu souffres pour ensuite crever dans ta merde et dans ton pu. Ouais! Alors, vous avez compris, la soirée est sous le signe de la gaieté et de la joie. Nous avons enterré un des nôtres. Bientôt, ce sera nous. Bientôt, oui. Nous pouvons compter dessus. C'est quand les guitares percent le plafond qu'on se rend compte de la connerie qui traîne. quoi. J'ai pas que ça à foutre, moi. Ramasser la merde des autres et aussi leur chier à la gueule, j'ai pas que ça à foutre, moi. Moi, je préférerais, tu sais, je préférerais enculer un dindon que faire ça. Enculer un dindon, oui, je te le dis, mon fils. Plutôt que t'occuper de toi, tu ferais mieux d'enculer un dindon. C'est ça que tu ferais faire mieux, enfin, ton fils, là. Tu vois ce que je veux dire? Ne me réponds pas quand je te parle. Ne me regarde pas quand je te regarde. Tais-toi. Merci. Ça y est, c'est parti, on peut faire la fiesta maintenant. Maintenant que t'as fermé ta gueule, fils. Je veux dire, j'ai pas que ça à foutre, tu sais. Franchement. J'ai pas que ça à foutre. Moi, ce que je veux, c'est du rythme dans la vie. Je veux un truc turbulent, tu vois. Un truc hyper dur. Un truc vrai. Pas un truc faux et stable et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin de toi, en fait. J'ai plus besoin de toi. Tu m'as assez donné. C'est bon. Merci. Maintenant, va falloir s'en aller, tu sais. Oui. Toi là-bas, abandonne. Après tout, tu seras jamais qu'une petite nature. Qu'une merde. Qu'un pauvre con. T'as jamais été que ça, de toute manière. Un pauvre et un con. Tu serais un cul encore. Tu vois ce que je veux dire? Pour être niqué. Et t'as rien. T'as même pas ta virginité à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Merde, on a toujours rien compris, hein. On sait toujours pas ce que tu veux dire, en fait, tu vois. T'as sûrement des choses à dire, mais si seulement tu nous les montrais un peu. J'en ai marre que tu règles tes comptes avec le monde. Parle intelligemment pour changer. Sois pas un con comme moi. Moi, je t'ai fait, après tout, c'est pas ma faute, tu vois. Et la tienne, tu vois, ta faute, tu la vois au moins? Merde, j'ai pas que ça à foutre, moi. Tu vois? J'ai pas que ça à foutre que t'écouter, moi. Que t'écouter, même. T'es cut pour moi. Tu pourrais crever que je n'aurais rien à foutre. Tu vois? Alors, arrête de faire le blasé. Et ferme ta gueule. Merde. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? après les raclures de gorge d'un enculé. Faut entendre les plaintes. Conne. Un fils de merde. De me foutre de vos gueules. Je vais passer à la suivante. Ma gueule. Alors tu vois, quand je suis né, j'avais une merde à la place du trou du cul. Je l'ai chié dans le ventre de ma mère, ouais. Ensuite tu fais le con. Je me suis mis à parler. Et je dis va te faire foutre. Et c'est à ce moment précis que mes parents et chers tendres parents, ils m'ont dit va te faire enculer alors. Sale bâtard. T'es pas à nous. T'es un adopté. Alors moi j'ai dit d'accord. Moi j'ai dit comme ça, Même que ce que je dis c'est vrai. Comme mon père, je dis que la vérité. La vérité qui blesse. Oui, mon fils. Tu vois ma vérité, mon fils. Je te blesse avec. Elle est belle, ma vérité. Tu la vois? Elle est grande, hein? Deux. Ouais, c'est ça. Trois, quatre, c'est bien. Continue. Cinq, six, encore. Sept, huit, ouais, neuf. 69, mon fils. Laisse-moi te faire la correction. Alors le mec il me dit bah, connard, t'enculé. Je dis ouais. C'est passé comme ça toute la soirée, tu vois ce que je veux dire? C'est supportable ça? Non, c'est pas supportable, non. Je pense pas qu'on va y arriver comme ça. T'entends? Il faut que tu te concentres mieux pour que ce soit supportable. T'entends le mot supportable? C'est comme la table que t'as en face de toi, c'est ça. C'est un support. merde qui fut. Bla bla bla bla bla ma merde. Oui, c'est la merde. Des lépreux. Les léperons, c'est comme une espèce. Les léperons, c'est une espèce de variété. C'est une variété obscène de cactus du Salvador, justement. On peut dire que c'est des Salvadoriens, quoi. Salve de rien. Bon, c'était comme un coup dans l'eau, quoi. Salve de rien. Coup dans l'eau. C'est long, 2 heures des fois. Bon, vous êtes en train d'écouter l'émission Nuisance, émission qui nuit au sens, émission de toutes les nuisances. Vous avez encore l'occasion de changer de disque. Bon, ça c'est par le passage beatbox là, tu vois. Chez vous, je veux dire, c'est pas le Guatemala ou le Salvador, tu vois, mais bon, tu vois ce que je veux dire, hein. Je suis pas malgache, quoi, hein, tu comprends? Ouais, ok. Ça marche. Tu me dis si je parle trop, je sais pas, non, te gêne. Bon, je voudrais pas gêner tes cliquetis, quoi. Cliquetis, ouais, je comprends, c'est l'humour dans la musique, c'est ça. Ah ouais, l'humour dans la musique, quoi. Parce que l'amour, on n'en parle pas ce soir, vous n'en parlerez jamais autour de vous, j'espère. L'humour, l'amour, tout ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tambouille, la frimousse, et aussi beaucoup de caca. Disposition, donc, au fond à droite ou à gauche, vous pouvez aller trouver le caca en vous. Même que ce que je dis c'est vrai, il suffit de chercher un peu en profondeur. Et je voudrais juste dire que c'est pas Jacques Martin ici. C'est pas un bon dimanche de fiançailles non plus. Donc si tu pouvais enlever ton cliquetis-cliqueta, ça m'arrangerait bien parce que j'aimerais bien faire mon émission tranquille. Je voudrais parler de la disposition de l'espèce humaine dans sa caricature française. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être qu'on peut parler aussi de du prosélytisme matérialiste dans la problématique incantatoire débilitante, assommatoire. Ouais. Non, peut-être pas parler de ça. D'accord, mais vas-y, enlève tes cliquetis-cliquetas, s'il te plaît, mec. Non, mais vas-y, arrête. S'il te plaît. S'il te plaît, enlève-les, tu sais. Vas-y, s'il te plaît. Bon, d'accord. Ok. Bah, laisse-les, alors. Je peux faire mon truc, non? D'accord. Faire chier, tu vois, mec, mais ouais, j'ai payé la cotise et tout, tu comprends, quoi, tu veux me piler du blé? Ouais, à la limite, je veux bien, ouais. À ce moment-là, je te monte. Ouais, je vais te monter un peu, je trouve qu'on t'entend pas assez ici.

On a pas perdu là. Non, je comprends pas. Je comprends toujours pas. Putain, tu fais chier, hein. Tu vas pas te taire. T'occupes jamais de rien ici. Tu vas boire des bières, là. Viens fermer ta gueule un peu. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Non, mais qu'est-ce que tu... Oh là là là là là là là là là là là là. C'est bon. Non, mais vraiment. Faut pas croire. Faut pas exagérer non plus. Je veux bien vous regarder, les gars. Y'a pas de problème. Elle est où? Elle est où la mienne? Elle est où la mienne? Ah bah, je dis ça, moi. Bon, ça va, je vous dérange pas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est venu faire le point sur la philosophie allemande. Laquelle? Celle de Nietzsche ou celle de Schopenhauer? Schopenhauer. Schopenhauer. Ok, et Schopenhauer, plutôt, then. Plutôt Heidegger et ses émules, quoi, Anthony Latif. Ah, faisons la guerre un peu, ouais, un peu de guerre, c'est clair. Heidegger, le nazi. Nazi ou pas nazi, alors? Je sais pas, Brahms. Brahms, exact. Ouais, comme Wagner, je veux dire. Ils étaient nazis avant l'heure. Mayo, ketchup. C'était des musiciens, c'est pour ça. Non, mais franchement, pourquoi je vous ai ouvert l'antenne, en fait? Non, je vois bien que vous allez me dire que des bêtises, que vous allez vous foutre de ma gueule. D'autant que je suis très timide. En plus, et les gens, c'est ça, ils se foutent de ma gueule. Moi, je leur ouvre l'antenne, ils se foutent de ma gueule. Ils me disent des trucs sur on va parler philosophie allemande. Ils savent très bien que j'en sais rien du tout, en fait. Ils le savent tous. T'es le dernier homme, mec. Le dernier homme? Moi, un homme? Ah, c'est vrai, merci, t'as reconnu l'opération après tout, ça marche. C'est cool, merci. Sympa. Ça me fait plaisir. Je vois que les milliers de dollars que j'ai investis dans cette opération de merde au Guatemala et en Prussie m'ont enrichi l'Austro-Hongrois, quoi. C'est un scandale. Ouais, c'est clair. Il y a Gabegie, quoi. Gabegie, vas-y, financière. Scand. Faut voter qui, alors, en 2012? Alors, moi je vote toujours pour l'argent, voilà. Et les meufs. L'argent et les meufs. C'est les valeurs, finalement, qui nous restent à cette top de 21e siècle, quoi. Et Biquette aussi. Ouais, pardon. Excuse-moi, Et lui, il bosse à la radio. Tiens, en fait, il y a des casques. Ouais, ça, c'est pour avoir. Ils sont pas trop forts? Non, il y a une espèce de musique bizarre, là, minimaliste en fond, mais... C'est pas minimaliste, c'est je crois que c'est un buzz de câble. D'accord, ouais. On va appeler ça du bruit. C'est nuisant, ça, comme terme. Tu peux nous faire une improvisation, Anthony, sur comment on fait des journaux à la radio? Non. Moi, je sais faire ça. Je t'ai payé pour ça et tout. Vas-y. Je peux faire. France Info Express. France Info en l'époque nazie, quoi. Voilà. En l'époque nazie. Ouais. D'accord. Pas me faire virer, je peux payer. Alors, bienvenue dans Sarkoland. Vous allez travailler, hein, comme tous les matins. Vous en avez rien à foutre de la météo, de toute façon, vous verrez pas la journée. Vous allez travailler pour des pacotille et de la merde, et aussi vous allez bouffer la chérie de tous vos patrons toute la journée à longueur de temps, comme ça pour le reste de votre vie, jusqu'à ce que vous mouriez enfin et que vous ne soyez plus considéré comme une masse salariale productive. Et à ce moment là on pourra vous jeter vos cendres sur la merde qui est cette terre qu'on a polluée et pourrie par notre moelle obscure qui est l'obscurantisme humain. Merci Sarkoland. Ensuite, pour passons au bref, nous avons un Jacques qui est donc avec Léon. Je t'entends, Léon? Ouais. Je t'entends mal. Oui, ouais. oui, d'accord. Jean-Pierre. Voilà, donc t'es au potager de Léon, c'est ça? Au potager de Jacques, pardon. C'est ça, à San José. Ouais. Super, ben il est bien son potager? Ouais, ça va, il y a du navet, il y a du... Cool. Il y a de la meuf. Il y a des poireaux? Il y a des poireaux. D'accord, ben j'arrive. Il y a de la meuf, il y a toujours des poireaux. J'arrive, j'ai des carottes aussi? Des grosses carottes, ah, j'espère. Ouais, des énormes carottes. Parfait, j'arrive tout de suite, j'ai justement un peu de fric à me faire avec mon patron, il veut prendre des photos, alors je vais faire un truc avec lui. Bah, c'est gagnant-gagnant, c'est bien. Bon, c'est dans mon intérêt, je crois. Bon, Moi j'arrive pas à comprendre pourquoi les obscurantistes ils sont toujours obsédés par eux-mêmes, je veux dire, par curiosité, je voudrais leur demander pourquoi c'est toujours vous qui vous obnubilez, quoi, je veux dire, c'est pourquoi c'est pas moi un peu qui vous obnubile ou les autres, pourquoi vous êtes obnubilé par vous-même et seulement par vous-même les obscurantistes. Et ils m'ont répondu justement en passant à un autre sujet que les fachos en fait dans la Deuxième Guerre mondiale ils pensaient beaucoup aux autres aussi. Et notamment aux juifs en fait, et que les juifs ils étaient pas tués en fait, tu vois, ils étaient encore vivants au paradis. Et donc moi je leur ai dit d'accord, ok, ben puisqu'ils sont encore vivants au paradis, on va les laisser mourir en paix, quoi, prout. Et aussi je voulais vous dire, les obscurantistes, si vous avez un truc à dire à un connard, ça tombe bien parce que je suis malade, donc vous pouvez me le dire, je suis influençable. Et donc si vous voulez m'influencer vers un meurtre collectif, je suis volontaire. J'ai eu une enfance malheureuse, les enculés ont brûlé mes parents devant moi, ont violé mes sœurs et frères, et je voudrais donc me venger de l'humanité. Donc si vous voulez me mettre des bombes, allez-y, je suis capable de les mettre moi-même, bien profondes, pour que personne ne les trouve. Je suis aussi volontaire pour me jeter sur un avion en plein décollage avec ces bombes, donc enfournées, si vous voyez ce que je veux dire. Dire que je ne considère pas la lutte perdue, car il y a beaucoup de gens à tuer encore. Peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. J'ai un emploi d'alternance, Pôle emploi peut vous aider. Françoise Laurençon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice recrutement au sein du groupe Casino. Quel type d'action menez-vous avec Pôle emploi pour les contrats d'alternance? Nous avons notamment au niveau de la région PACA signé un partenariat avec Pôle emploi qui nous aide à recruter des jeunes qui viennent faire leur alternance sur des métiers de bouche. Et plus largement, nos relations portent sur tout un tas de contrats d'alternance qui concerne aussi bien les secteurs immobilier, achat, informatique, gestion. Deuxième cas de figure, c'est vraiment à l'occasion des ouvertures de nos magasins. La gestion prévisionnelle des emplois est assurée par Pôle emploi qui nous aide vraiment à diversifier les profils. Et quel est l'intérêt pour vous de travailler avec Pôle emploi? Pôle emploi a un excellent maillage national, mais gérer la localisation des différentes agences de Pôle emploi nous permet de nous accompagner sur tous nos recrutements. Merci Françoise Laurençon. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain. Pôle emploi, notre mission, vous simplifie le travail. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Vous cherchez un emploi en alternance? Pôle emploi peut vous aider. Françoise Laurençon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice recrutement au sein du groupe Casino. Quel type d'action menez-vous avec Pôle emploi pour les contrats en alternance? Nous avons notamment, au niveau de la région PACA, signé un partenariat avec Pôle emploi qui nous aide à recruter des jeunes qui viennent faire leur alternance sur des métiers de bouche. Et plus largement, nos relations portent sur tout un tas de contrats. Trouver un emploi en alternance, 60 secondes pour l'emploi, vous simplifie le travail tous les jours sur cette antenne avec Pôle emploi. À l'occasion des ouvertures de nos magasins, la gestion prévisionnelle des emplois est assurée par 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Et quel est l'intérêt pour vous de travailler avec Pôle emploi? Pour trouver plus rapidement un travail, il faut parfois adapter ses compétences avec une formation. Sandrine Dumont, bonjour. Vous êtes conseillère à Pôle emploi. Françoise Laurençon. Alors dites-moi, d'autres informations sur le site pour booster ses recherches. Alors, les solutions Pôle emploi, notre mission pour simplifier le travail. La formation, qui peut être un formidable levier pour simplifier le travail tous les jours sur cette antenne avec Pôle emploi. Ou souvent 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Mais quel est le rôle des conseillers? Alors, notre rôle en tant que conseiller Pôle emploi, c'est d'accompagner la personne une fois. Chaque année, la SNCF recrute des milliers de personnes pour des postes techniques industriels. Et pour cela, elle fait appel à Pôle emploi. Vincent René, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du recrutement à la SNCF. Pour plus d'informations pour l'emploi et définir votre projet de formation, rendez-vous dans votre agence Pôle emploi. À bientôt. Les conseillers connaissent parfaitement nos besoins et les profils que nous recherchons. Ils assurent donc la présélection des dossiers. 60 secondes pour l'emploi des candidats avec et Pôle nous emploi. Sommes certains de trouver les profils qui correspondent déplacement, à nos exigences. Déplacement, garde d'enfants, formation, les avantages de nombreuses aides pour faciliter la valeur, votre reprise d'emploi. C'est partenariat et proximité. Bonjour. Et ça se traduit vous dans l'agence Pôle emploi de Colombes. Par un exemple tout quelles aides pouvez-vous apporter aux demandeurs d'emploi l'utilisation des compétences de personnes issues de l'industrie automobile pour lesquelles Pôle emploi nous a aidés à réaliser nos personnes. Merci Vincent René. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À bientôt. Pôle emploi. Notre mission, vous simplifier le travail. Et puis nous avons aussi les aides à l'embauche directe. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Et ces aides, de nombreux groupes, la Société Générale est accompagnée par Pôle emploi pour ses recrutements. Elle utilise notamment les services en ligne de Pôle emploi. Merci, bonjour. Vous êtes responsable de recrutement à la Société Générale. Merci Fabrice Gossens. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. On utilise des services en ligne, par exemple pour déposer des offres. On consulte aussi la CVTech qui nous permet, parce qu'il y a une richesse de profil, de pouvoir aller capter sur des besoins parfois très spécifiques, les compétences dont on a besoin. Chaque recrutement est un enjeu important. Et puis, c'est aussi une vraie richesse d'informations à disposition des entreprises. Serge Lemaître, bonjour. Par exemple, sur les vous êtes le directeur du service client de Pôle emploi. Selon vous, alors comment faites-vous pour satisfaire toutes ces demandes? Alors, peut-être d'abord la souplesse, puisque du coup, on y a recours sur le sujet dont on a besoin, à l'instant T, la réactivité aussi. Et puis, l'importance de ce réseau, puisqu'en un clic, on va pouvoir toucher un maximum de candidats potentiels. Merci, Claire Gatti. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. Elle va avoir en face d'elle Pôle des emploi. Professionnels notre du secteur d'activité qui connaissent le les travail. Métiers qui composent ce secteur d'activité. Et enfin, elle peut être assurée pour que c'est derrière elle 35 000 personnes emploi. Et 1000 points d'implantation qui sont à son service. Lorsqu'une entreprise recrute, Serge elle peut souvent bénéficier d'aides à l'embauche. Mais ne le sait pas toujours. Un chiffre, Luc de Roche, bonjour. Vous êtes responsable RH pour la branche Veolia Transport dans les Yvelines. Comment vous tenez-vous informé des aides dont vous bénéficiez? D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain, grâce aux conseillers, c'est-à-dire qu'on a une connaissance générale du dispositif emploi. Maintenant, nous avons souvent besoin de conseils sur mesure, c'est-à-dire que les conseillers il existe des aides financières pour le recrutement de jeunes en alternance. Nathalie Lemaître, bonjour. Concrètement, comment diriger l'agence d'Evry? Pouvez-vous nous parler des contrats en alternance et leurs avantages pour les entreprises? Dans les conseillers vont nous indiquer les dispositifs qui peuvent permettre de faciliter l'accompagnement des demandeurs d'emploi jusqu'à notre entreprise. Vous allez bénéficier d'un remboursement de rappelons que les dispositifs d'aide à l'embauche concernent toutes les entreprises de deuxième la TPME contrat, au grand le contrat de professionnalisation. Vous percevez une aide vous allez de 1 000 à 2 000 euros pour un jeune qui n'a pas le baccalauréat. Pour recruter un alternance, où est-ce que je me renseigne? Alors vous adressez à votre Marina Lemaître, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle entreprise de Pôle emploi. Vous aidez toutes les entreprises à recruter, quel que soit leur secteur d'activité et les postes à pourvoir. Alors comment faites-vous? Merci Nathalie Lemaître. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain. Pôle emploi. Les conditions de travail, notre les conditions de mise en œuvre de ces métiers qui nous permettent de choisir les candidats adéquats. Nous Nous avons 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Chaque année, la SNCF recrute des milliers de personnes pour des postes techniques et industriels. Et pour cela, elle fait appel à Pôle emploi. Vincent René, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du recrutement à la SNCF. Quelles sont les agences spécialisées, je crois ? Pôle emploi met à notre disposition une cellule dédiée à la SNCF. Les conseillers connaissent parfaitement nos besoins et les profils que nous recherchons. Ils assurent donc la présentation des dossiers. D'autres informations sur les candidats et nous sommes certains de trouver des profils qui correspondent à nos exigences et à nos besoins. Quels sont pour vous les avantages de Pôle emploi ? Alors, la valeur ajoutée de Pôle emploi, c'est partenariat et proximité. Et ça se traduit dans une petite entreprise peut-elle réussir ses recrutements ? Bonjour. L'utilisation des compétences de recrutement à la radio de personnes issues de l'association d'aide à domicile pour lesquelles Pôle emploi a su vous accompagner. De quelle façon ? Merci Vincent René. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À bientôt. Pôle emploi. Notre mission est de simplifier le travail. Dans le sens où ils nous ont aidés à la rédaction des fiches. 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Comme de nombreux groupes, la Société Générale est accompagnée par Pôle emploi pour ses fonctionnaires et collaboration les services en ligne de Pôle emploi. Claire Gatti, bonjour. Vous êtes responsable recrutement à la Société Générale. Quelle utilisation avez-vous du site Pôle emploi.fr ? On utilise des services en ligne, par exemple pour déposer des offres. On consulte aussi la CVTech qui nous permet, parce qu'il y a une richesse de profils, de pouvoir aller capter sur des besoins parfois très spécifiques, les compétences dont on a besoin un peu partout en France. Et puis c'est aussi une vraie richesse d'informations à disposition des entreprises, typiquement par exemple sur les nouvelles mesures pour l'emploi en ce moment. Selon vous, quels sont les principaux atouts de Pôle emploi.fr pour mener d'abord sa politique RH axée sur la diversité, le groupe Alpha utilise la méthode de recrutement par simulation de Pôle emploi. Aussi. Bruno Croiset, bonjour. Et puis l'importance de ce réseau, puisqu'en un clic, on va pouvoir toucher un maximum de candidats potentiels. Merci, Claire. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. Pas forcément de diplôme. Et la méthode de recrutement par simulation nous permet de recruter avec beaucoup de diversité. Ça se passe comment concrètement ? C'est vraiment sur mesure. Les conseillers Pôle emploi viennent dans l'entreprise, étudient nos métiers. Lorsqu'une entreprise recrute, peut souvent bénéficier d'aide à l'embauche, mais ne le sait pas toujours. Luc Derocq, bonjour. Vous êtes responsable RH pour la branche Veolia Transport dans les Yvelines. Comment vous tenez-vous informé des aides dont vous bénéficiez ? Dans la mise en œuvre, le sourcing et puis dans la présentation des demandeurs d'emploi qui sont totalement prêts à intégrer nos exploitations sur le métier choisi. Merci Bruno Croiset. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. C'est-à-dire que les conseillers vont intervenir sur les dispositifs d'aide à l'embauche qui sont les plus adaptés à nos recrutements. Concrètement, demandeurs d'emploi, découvrez comment bénéficier de formation ou d'aide au retour à l'emploi. Chef d'entreprise, recrutez rapidement et efficacement. Que vous soyez demandeur d'emploi ou recruteur, Pôle emploi vous simplifie le travail. 60 secondes pour l'emploi vous explique comment. Chaque roche sur sa centaine. Rappelons que le dispositif d'aide à l'embauche concerne toutes les entreprises, de la TPME au grand groupe. À demain. Pôle 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Pôle emploi vient de lancer le 3995, un numéro unique dédié aux employeurs. Joseph Thuam, bonjour. Marina, vous êtes conseiller entreprise à Pôle emploi. Vous êtes responsable du Pôle emploi de 3995. Vous aidez toutes les entreprises à recruter, quel que soit leur secteur d'activité et les postes à pourvoir. Alors comment faites-vous ? Nous connaissons, selon les différents secteurs des entreprises, les métiers, leurs exigences, les conditions de travail, les conditions de mise en œuvre de ces métiers qui nous permettent de choisir les candidats. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées des entreprises qui sont spécialisées dans les secteurs du bâtiment, du commerce, du transport, de l'hôtellerie-restauration, qui par exemple ont des horaires qui sont spécifiquement adaptés pour permettre... En un mot, le 3995, vous avez des agences spécialisées, je crois. Si une entreprise a des besoins particuliers pour recruter des cadres... Joseph Thuam, merci. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain. Merci, Marina. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain. Pôle emploi, ça s'intéresse à l'emploi simplifié avec Pôle emploi. Chaque recrutement est un enjeu important, quel que soit l'entreprise, et tous les recrutements sont différents. Comment une petite entreprise peut-elle réussir ses recrutements dans l'emploi ? Marie-France Chemin, bonjour. Vous êtes responsable de recrutement à l'arrondissement 18 à Paris, association d'aide à domicile. Pôle emploi a su vous accompagner. De quelle façon ? Une offre de service complète qui va de la définition du poste à l'intégration de son salarié en passant par la présélection du salarié. Un sacré coup de main dans le sens où nous avons aidé à la rédaction des fiches de poste. Bienvenue. Si vous venez d'arriver, nous sommes en train de débattre sur la question du goût de la bière en Allemagne pendant l'année 1938, juste avant la guerre, et son goût donc à l'Oktoberfest de 1947. Nous sommes en train de définir le futur dans un néo-post-traditionalisme Latin. Voilà, donc tout ça dit, je vais vous laisser donc avec un Berliner, je crois, et aussi des pubs Pôle emploi, voilà, donc à peu près pendant 48 à 72 heures. Bon courage. Vous êtes conseiller entreprise à Pôle emploi. Quel service propose le Portop 95 certains de trouver des profils qui correspondent à nos exigences et à nos besoins. Quels sont pour vous les avantages de Pôle emploi? Alors, la valeur ajoutée de Pôle emploi, c'est partenariat et proximité. Et ça se traduit dans le quotidien par un exemple tout récent qui est l'utilisation des compétences. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les entreprises? pour lequel Pôle emploi nous a aidé à réaliser. Merci Vincent René. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. A bientôt. Pôle emploi, notre mission simplifie le travail. En un mot, le 3995, c'est aujourd'hui la 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Comme de nombreux groupes, la Société Générale est accompagnée d'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. Les services en ligne de Pôle emploi. Claire Gatti, bonjour. Vous êtes responsable de recrutement à la Société Générale. Quelle utilisation avez-vous du site pôle-emploi.fr? On utilise des services en ligne, par exemple pour déposer des offres. On consulte aussi la CVTech qui nous permet, parce qu'il y a une richesse de profils, de pouvoir aller capter sur des besoins parfois très spécifiques, des compétences dont on a besoin un peu partout en France. Et puis c'est aussi une vraie richesse d'informations à disposition des entreprises, typiquement par exemple sur les nouvelles mesures sur l'emploi en ce moment. Selon vous, quels sont les principaux atouts de pôle-emploi.fr? Alors peut-être d'abord la souplesse, parce que du coup on y a recours sur le sujet dont on a besoin à l'instant T, la réactivité aussi, et puis l'importance de ce réseau, puisqu'en un clic, on va pouvoir toucher un maximum de candidats potentiels. Merci Claire. D'autres informations sur le site pôle-emploi.fr. À demain. Quel est l'intérêt pour vous de travailler avec Pôle emploi? Notre mission, vous simplifier le travail. Ne sommes-nous pas nous 60 secondes pour l'emploi avec Pôle emploi. Comment une petite entreprise peut-elle réussir ses recrutements? Marie-France Chemin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable recrutement à l'ARA 18 à Paris, association d'aide à domicile. Pôle emploi a su vous accompagner. De quelle façon? Pôle emploi a compris les spécificités de l'accompagnement des personnes âgées aujourd'hui et nous a donné un sacré coup de main dans le sens où ils nous ont aidés à la rédaction des fiches de poste où on précise toutes les compétences qui sont utiles et à pré-recruter pour nous. Comment a fonctionné votre collaboration? Ça a été d'abord un échange. Ils sont venus voir comment on travaille et vous mis en phase ce que nous vous avons comme besoin et ce que nous allons avoir comme solution. Climat, énergie. Il y a une question de cohérence manifeste. On ne peut pas dire à nos constructeurs, voilà les objectifs de protection de l'environnement qui sont les nôtres, et en l'environnement qui sont les nôtres, et en l'environnement qui sont les nôtres, et en même temps, on ne vous aide pas à les obtenir. Pire, pas à les obtenir. Pire, pas à les obtenir. Pire, pas à les obtenir. Pire, pas à les obtenir. Pire, non seulement vous n'êtes pas parce qu'on s'est donné des règles. Dont on n'a pas compris que la concurrence, vous n'êtes pas parce qu'on s'est donné des règles de concurrence.

entendez donc la perforation d'une visseuse, des visseuses dans le mur d'à côté. Les VMC sont très efficaces ici, on peut entendre les bruits des voisins qui pètent et qui chient dans leurs chiottes, c'est génial. Bon, c'est tout ça alors pour vous faire une annonce, donc vous êtes à l'écoute du Canal Sud 92.2 FM, Canal Sud.net, et c'est l'émission Nuisance. Nuisance donc qui bat son plein et qui va toucher à son terme d'ici une dizaine de minutes. Voilà. Tout ça pour vous dire donc que dimanche, le 22 janvier, à partir de 16h, au pavillon sauvage 45 rue Jean Dagneau à Toulouse, à partir de 16h, il y aura donc un vidéo-concert performance sonore avec Trash Vortex, le duo Laurent Rodriguez et Mathieu Garouste. Ensuite, à 18h, un repas-concert avec trois interventions ambiantes, drone, expérimental, noise, etc. Et en finale, à 21h, Démon Libre, un duo expérimental batterie-guitare, dont un des membres est venu dans l'émission me livrer un CD de Maud Crotor dont le duo faisait partie avec un troisième, une tierce personne. C'était donc un trio qui s'appelait Maud Crotor. Donc maintenant, il y en a deux de Maud Crotor qui sont dans Démon Libre, un duo expérimental batterie-guitare à 21h donc au pavillon sauvage 45 rue Jean Dagneau à Toulouse, dimanche 22 janvier. Et sinon, à partir de 16h, il y a Trash Vortex, un duo électro-acoustique, improvisé, noise, impro et free jazz, de Mathieu Garouste, un saxo qui est improvisateur, expérimenteur, tâteur, autodidacteur, lecteur de cassetteur, platineur, guitareur, percussionneur, tout ça détourné de l'usage traditionnel, et Laurent Rodriguez qui fait de la perf audiovisuelle d'impro, manip d'objets branlants, opération de l'imaginaire jetant un regard furtif, sous le voile des choses du quotidien. Tout ça dans Trash Vortex, un duo à 16h, un vidéo concert, donc une projection en même temps qu'il y a de la ZIC, et à 18h, donc trois interventions ambiantes drone expérimental noise pour finir à 21h avec Démon Libre, un duo expérimental batterie guitare, tout ça dimanche au pavillon sauvage à Toulouse, au 45 rue Jean Dagneau. Ensuite, la semaine prochaine, à partir de mardi 15h, tous les jours à partir de 15h, au pavillon sauvage dans la grande salle, on peut participer au laboratoire expérimental noise ambiante improvisé arythmie atonalité musicien néophyte écrivain installation petit son perf sonore tout ça bienvenue donc du labo du 24 au 29 janvier donc de mardi à samedi à partir de 15h tous les jours jusqu'à l'heure qu'on peut quoi donc respecter les voisins genre quoi. Et tout ça au pavillon sauvage. l'autre secteur prioritaire, c'est l'automobile. L'automobile qui emploie directement ou indirectement 10% de la population active et qui est aujourd'hui aux prises, comme la plupart des constructeurs mondiaux, avec des difficultés considérables. Il s'agit donc d'abord d'écouler les stocks pour que la production puisse reprendre. Évidemment, les constructeurs ne produisent pas si les stocks de voitures non vendues continuent à s'accumuler. C'est pourquoi une prime à la casse va être instaurée pour inciter les Français à renouveler leurs véhicules. Cette prime s'appliquera, monsieur le maire de Douai, aux véhicules utilitaires légers, dont certains sont fabriqués ici, à Douai. Ce montant sera de 1 000 euros pour tout achat d'un véhicule neuf émettant moins de 160 grammes de CO2. L'autre urgence, c'est de débloquer le crédit automobile. Parce que, mesdames et messieurs, les trois quarts des véhicules sont achetés à crédit. Alors, à quoi servirait-il un plan de relance pour l'automobile? Les trois quarts des Français les achètent à crédit si on ne se préoccupe pas de ce problème. C'est pourquoi l'État va offrir aux organismes de crédit, les constructeurs, que la crise financière prive de ressources, une ligne de refinancement d'un milliard d'euros qui leur permettra de continuer d'accorder des crédits aux acheteurs. Puisque la seule signature qui compte aujourd'hui, c'est celle de l'État, l'État doit mettre sa signature et sa garantie pour que l'économie soit de nouveau financée. S'il faut d'urgence sauver les constructeurs, il faudra avec la même urgence aider les sous-traitants. Un fonds de restructuration de la filière automobile sera donc créé. Il sera alimenté à la fois par les constructeurs et par l'État, à travers le fonds d'investissement stratégique. Le capital de ce fonds qui investira en fonds propres dans les opérations de restructuration de la filière sera de l'ordre de 300 millions d'euros. L'État y contribuera tout de suite à hauteur de 100 millions d'euros. Cette politique de filière viendra compléter les investissements engagés pour préparer la voiture électrique de demain. Il serait invraisemblable que la France, qui est à la tête de la production d'énergie électrique nucléaire, continue à accumuler de retard s'agissant du véhicule électrique. Il n'est pas exclu que l'État soit conduit à faire davantage. Je le dis de la façon la plus transparente. Je crois à la mondialisation. Je crois à la liberté du commerce. Je crois à l'économie de marché. Mais si nos amis américains devaient faire davantage pour leurs propres industriels, ils ne seraient pas l'industrie automobile française désavantagée par rapport à ses concurrents. Nous en avons beaucoup parlé. Quelques filières viendra compléter les investissements engagés pour préparer la voiture électrique demain. Il serait invraisemblable que la France, qui est à la tête de la production d'énergie électrique nucléaire, continue à accumuler du retard s'agissant du véhicule électrique. Il n'est pas exclu que l'État soit conduit à faire davantage. Je le dis de la façon la plus transparente. Je crois à la mondialisation. Je crois à la liberté du commerce. Je crois à l'économie de marché. Mais si nos amis américains devaient faire davantage pour leurs propres industriels, je ne laisserai pas l'industrie automobile française désavantagée par rapport à ses concurrents. Pour l'emploi avec Pôle emploi.

font couler le soleil des yeux. Et se caler en direction de la lasure qui enchaîne au poteau. Alors voilà, l'interdiction du plateau éphémère est abolie, l'ombre est installée, l'insectoïde va commencer. There was a shadow, the islands of night. L'homme, la femme, l'être humain et l'enfant, c'est la mer. Comme Centurion sur sa planète, c'est la mer. Jusqu'à un point, la mer de nez, de nous et de rien d'autre. Sur un flanc tout moisi, il se trouve que la bizarrerie sur le tas de merde, c'est nous. Car nous sommes le flanc moisi et l'arrogance d'une passion oblitérante. Les rats sont de cette académie. Et les princes, et les tantes, et les cons, la merde, aussi. Elle est de cette acabie. L'écaminité neutre pour le fric. Initiative of an individual, l'échette, et va pour le fric. Plutôt que crever comme une merde, oui. Plutôt que crever la merde, vivons la vie. Soyons. Pour pouvoir enfin ce point de vue-là de la façon dense. La fascination est dans la désagrégence. Même que cet avenir-là est bon, comme un bonbon qui pue le caca. Cette merde-là, c'est nous. Comme un vieil être puant, amèrement, son existence. La fausseté d'une complaisance dans le mouvement. Cette amertume bonne. Espoir, sonne, fondement. Allons. D'un point de vue purement scabreux. La tergiversation. Toujours elle ne lance pas l'aboutissement le long du tunnel. De concert, les âmes survoltées sont prises en main, en charge. Des concepts familiers comme ceux des autres, ainsi. Alors, comme d'équivoque, les possibilités ne dépassent ce point. Pourtant, il est un temps où toujours le monde règne, comme un roi et une reine fonctionne, le passage en changement. Et comme ce ne puise la fonderie que dans un anus doré, comme qui dirait, au four de la possession matérielle, analogiquement aux contondances des rivales. De nazis nauséabonds sur une île sphéroïde. Les oublis momentanés figurant toujours le point crépusculaire. Quand je reviens en charge extrême de rivalité putréfactionnante, les parias, comme les nantis, obsessionnent. Et si les fières capitulations ne sont pas vaines, que sont-elles? Car n'oublions pas le propos, le sujet du verbe, le par, qui, quoi, comment, etc. Pourtant, la semblance ne réside point en la finalisante. Finalisation, sauf dans le hante d'un présent participant le long du couloir de la mort. L'aurore des cadavres et la moisissure plurielle ne permettant toujours pas la densification atmosphérique. L'être humain a d'autre choix que de mourir. Et la fin est-elle? Comme de la thune qui symbolise la guerre et tout en demeurant l'humain tue. L'humain. Puisque l'humain mourra tué, convulsion spontanée, cyclique, plutôt pentue, la berne dans la fistole pue et l'imberbe brûle à petit feu. Pour le fric, tué soit le sacrifice automatique. La merde, c'est que demain ou pas, l'omnibilance de la présence occupe la place de métier à art, discipline et la loque. Meurs en tout à tout, mourir la merde, voilà, merde que je n'absorberai pas. Oh non, la vérité, là. Encombrance d'une planète, encore en travers, des tendances, seules, sur un banc, laissées à l'abandon. Vérité? Es-tu seul? Non, tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir tel le choix, vrai, son mensonge, de chaume dur. Toi, n'êtes pas non plus, exorcisme résidera. Pourtant, le bleu ne pas voir, toujours stationné, paranoïa. Omniprésente, que la volonté obstrue. Pour l'emploi, pas à pas, avec un être né, faste, ment, le vampire, suce un sang impur, d'impur. Voir l'impureté de nos êtres, à nous, des façons de sorcières, attablées d'affliction. Gigantisme non fonctionnel, impossibilité conditionnelle. L'absurde des raisons. Petitesse une. Un passage de tabac à niveau. Des antres absurdes, patrouillant, déraisonnant, vers un sûr destin. Accablés qu'ils et elles sont, tels, ils ou un contraire.

Vous écoutez Canal Sud. Canal Sud, c'est l'émission. Non, je recommence. Vous écoutez Nuisance. Nuisance, c'est la radio. Vous écoutez Canal Sud. Sur le 92.2. Toulousain. Français. Vive la France. Zig, zig, zig. ou sur le canal sud.net, ouais bien, vive le web, zig zig zig. Nuisance, c'est l'émission de toutes les nuisances. Émission qui nuit au sens. Tous les sens dans. N'oubliez pas. Nous écoutons le concerto B24 en La mineur de Jean-Sébastien Bach, mon compositeur préféré, après Frédéric Chopin et Schopenhauer, on en parle de cela. Schopenhauer, donc mon compositeur préféré après Bach. Je dirais que si que tu as, il y a moyen d'écouter des trucs bien, tu vois, sur Canal Sud, ouais. Mais non, je vais pas dire ça. Je vais plutôt dire... Attends, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, dimanche, vous savez donc qu'il se passe quelque chose au pavillon sauvage à partir de 16h pour finir par un concert à 21h. Ce sera donc de 16h dans l'ordre à 16h de la vidéo concert à 18h. après la performance, Noise Indus avec un repas, donc c'est un repas concert, pour finir avec à 21h. Démon libre, un duo expérimental batterie-guitare, assez vénère, je crois. J'espère. Bon, c'est pas tout ça, mais on veut pas vous déranger, on n'est pas l'émission nuisance pour rien. Je veux dire, on est des gentils, gentils vaut rien. On va pas vous faire chier plus longtemps. Non, ça, on va pas vous faire chier plus longtemps. Ah, vous pouvez me faire confiance, je ne mens jamais. Je n'ai jamais menti à personne, ni à mon chien, ni à Biquette. Ma précieuse Biquette, que j'aime tellement. Oh ma Biquette, viens dans mes cheveux, lécher mes poils, Biquette, je t'aime, oh Marguerite, ma belle vachette, ma belle vachette, ma belle Biquette, vachette, tu es à moi, tu m'appartiens, faisons des enfants ensemble, comme ça, les enfants sont à moi, ce sont mes enfants, et je pourrai les sacrifier sur l'autel de la gloire, du travail, et de la santé, et du patriotisme. Et aussi du bonheur, aussi de la recherche de soi et de la simplicité en ce monde de merde. Oui, c'est ça la vie. Ensuite, on pourrait aussi parler du bonheur, comme on disait tout à l'heure. Bonheur, si près, si près, si proche de nous. On dirait presque même que c'est nous, le bonheur en fait. Bah oui, le bonheur c'est nous, parce qu'on a plein de fric et tout, c'est nous. On a plein de fric, on est des gros riches, le travail c'est tout. La vie c'est de la merde, de vous faire enculer. Ce qu'on veut c'est du travail et du flouze. Vous savez bien que c'est ça, du travail et du flouze. C'est tout ce qu'on veut nous, la vie, pour être heureux. Pourquoi être heureux pour être heureux, c'est tout. Non, nous ce qu'on veut c'est du travail et du flouze, et une maison et des gamins aussi, et des chiens et tout plein de chiens. Partout des chiens enculés, enculés toute la soirée. C'est bon, j'encule les pauvres chiens. Trêve de... Non, tuez-les tous. Tous ces enculés. Ouais, ouais. Ils savent de quoi on parle. Eux. Qui crèvent. Puisque de toute manière, de toute façon, ils vont mourir un jour. Même avec la génétique actuelle, je veux dire, on peut faire des miracles. Mais on n'a pas encore éliminé la mort. Bien fait pour leur gueule. Bien fait pour notre gueule. À tous et toutes. La la la. Bon, nuisance, c'est fini. Bonne nuit. Bon, nous sommes le vendredi 20 janvier 2012, bientôt la fin du monde, on l'espère tous ici en tout cas, j'espère. Et ensuite, c'est la fin de l'émission Nuisance, place à Love Black Music. Implosion. presume to tell you about my troubles. Because I know you have troubles and we're all digging out. You've worked hard all day. Haven't you? Oui, Love Black Music arrive dans deux petites minutes. Stay tuned. Maybe even buying filters for your cracks in the chimneys. What we shall do is provide some background music tonight. There really is no way to talk about the infinitesimal wisp of smoke our lives really are. News of import, broadcast throughout the night. We invite you to stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Are you ready? Wind it up! DJ. Avec votre DJ à la sono, écoutez le show musical. Yeah! Music Machine. Pénétrez dans cet univers musical. Attention, attention, attention, attention, c'est à vous, vous, vous, vous pour la danse, danse, danse, danse. Dansez sur cette musique folle. Soyez aussi marteau que lui. Super. Why don't you tell me a story? Please tell me a story too. You know, I think I'll tell you the story. You tell me. Bienvenue ce soir comme tous les vendredis soirs. C'est vendredi soir, Love Black Music, l'émission qui... Et si vous n'avez pas de casque, eh bien vous avez le temps encore d'aller en chercher un, de le brancher. On va se faire une espèce de musique, comme tous les vendredis soirs. Love Black Music, c'est soul, c'est funk, c'est tout ça. C'est disco des fois, c'est afrobeat. Souvent, ça peut partir hip-hop, voire rap. Et tout ça, c'est en stéréo dans ta radio. Et c'est avec seulement 3 quarts d'heure de retard aujourd'hui. Bravo DJ Sagaz. Mais que se passe-t-il ? Que s'est-il passé pour que tu ne sois à ce point pas ponctuel ? Tout le monde se le demande. Bon voilà, j'avais un cours de danse, tout ça, donc voilà. C'est... Ouais, ça finit tard et tout ça. Bon, voilà, bref. Donc, j'ai ce soir, encore une fois, une belle brochette de spécialistes dans la vocale. Hein. L'image de DJ Fonka. Fonka. Yeah. Bonsoir, Sagas, bonsoir à tous. Donc, ça fait plaisir. On va se refaire un petit tête-à-tête à 4, hein, du coup. Il y a également notre spécialiste de la pépite, à savoir DJ. Alors, il était pote avec Barry White, il faut savoir. Ah, tout à fait. On l'entend sur son répondeur. Sur son répondeur. C'est une grande histoire d'amour avec Barry. Et le grand retour de DJ Anna. Oui, bonjour. Bonsoir. Donc le grand retour de DJ Anna, puisque donc après des mois d'un travail acharné, elle va sans doute devenir docteur. Voilà, elle avait un petit boulot de 300 pages à finir. Et puis là, maintenant, voilà, elle va être de nouveau tout à nous le vendredi soir. Ça fait plaisir. Bienvenue à vous et tous qui nous rejoignez, chers auditeurs et toutes. Vous êtes Stéréo DJ Sagaz. On est parti avec De La Selecta, un album qu'on avait déjà chroniqué, Joy Dina Lane. Donc une jeune chanteuse de soul teutonne, comme on pourrait dire. Comme son nom ne laisse pas du tout l'indiquer d'ailleurs, Joy Dina Lane. Donc elle est, je pense qu'elle a juste été pondue hein, en Angleterre quelque part, mais je pense qu'elle est plutôt d'origine, on va dire afro-américaine. Hein, je pense qu'il y a vraiment de ça, en tout cas dans son inspiration, dans sa musique, dans ses textes. C'est l'album Born and Raised, depuis qu'il est sorti en 2006, on l'a maintes fois chroniqué. Je crois qu'on n'a jamais par contre passé le titre que vous avez sélectionné, que tu as sélectionné, je ne sais pas qui l'a sélectionné. Tous les deux. Tous les deux. Donc c'est la... C'est la Funkana Pepitas, voilà. La première de la soirée. Ensuite, on continuera dans les éducations de la Black Music. Encore un mot, peut-être que vous avez une anecdote sur comment vous avez connu cet artiste, parce qu'il me semblait que c'était moi qui vous l'avais fait découvrir. Bon, en fait, c'était un soir en camping. J'aime ces histoires. Mais... Non, un soir en camping. Non, bah, c'est voilà, je cherchais, j'écoutais au hasard de mes élucubrations musicales, voilà, puis je suis tombé sur cet artiste, je sais plus pour quelle raison, voilà, et puis voilà, je cherchais une artiste qui rassemblait un peu Alicia Keys, un peu tout, un peu rien, et puis voilà, j'ai été intrigué un peu par son style. Mais ouais. Oui, enfin, j'allais dire comment ça t'est tombé entre les oreilles, parce que c'est au compte. Alors, tu parles d'Alicia Keys, c'est une méga superstar, mais elle est pas du tout passée en radio, rien du tout, que dalle, quoi. Non, c'est du surf sur internet, voilà. Tu cherches, tu tombes sur des clips, sur des liens qui te renvoient sur d'autres. Voilà. Tu aimes la pépite, hein, classique, tu fouilles et tu trouves. Ok. Voilà, et j'ai été intrigué par son premier album qui était entièrement soul en langue allemande, ce qui est quand même assez bizarre à entendre, mais qui sonne quand même bien. Et là, ce deuxième album est en langue anglaise, donc voilà. Le premier est assez inécoutable, à part si on est versé dans la Bavière et tout ça. Mais il y a un album live aussi qui est sorti, qui est uniquement en allemand, sauf une chanson qui est un cover de Prince, Sign of the Time, qui est absolument énorme. Mais sinon, de la soul en allemand, c'est un petit peu dur quand même. Hein, c'est un peu comme du rock en français, quoi. Voilà, ouais, ça fait un peu ça. Voilà. Du rock en français écouté par un allemand, ça doit être la même chose, je pense. Voilà, ça donne un peu ça, mais bon, il y avait quand même, on sentait déjà le talent, la voix, tout ça, et là sur cet album, voilà, ça s'exprime parfaitement. Ok. Et donc voilà, c'est un morceau qu'on a choisi qui est bien dans la thématique Love Black Music, qui est très soul, très un peu funk, avec des grosses lignes de basse, une belle batterie, voilà, enfin voilà, assez qui dénote par rapport au reste de l'album, qui est plus hip hop R&B, assez machine. Alors que celui-là est très soul live. Ok, et d'ailleurs c'est des vrais musiciens dedans, on sait pas. Dans ce morceau ou dans l'album? Dans ce morceau-là. Ah oui, c'est des vrais musiciens. D'accord. Avec des vrais bras, des vrais pieds. Parce que c'est vrai que c'est à base de machine quand même. Voilà, dans ce morceau c'est du live. Voilà. Ok, stay tuned, we'll just ride on and it's a s'appelle Et ça s'appelle Soweto. Soweto. DJ Na Selecta. Stay tuned.